Chapitre 4. Le cadavre récalcitrant. Lautrec s'était rendu à l'Institut médico-légal. Il avait fait toutes les recherches qu'il avait jugées utiles sans rien découvrir. Pas de traces de vol, pas d'empreinte digitale, aucun indice permettant d'établir une complicité quelconque. Le cadavre avait disparu à la manière des fantômes. Comment le retrouver? Comment suivre sa trace? Lautrec ne cachait pas que la tâche était malaisée. Elle n'était pas impossible. Le cadavre lui-même allait nous fournir une piste, laisser une trace sanglante de son passage. Le lendemain matin, nous apprenions qu'un crime avait été commis dans une maison de la banlieue parisienne. Le rentier qu'il habitait avait été tué. Deux balles de revolver l'avaient frappé à la tête. La veille, au soir, des voisins avaient vu le rentier rentrer chez lui, accompagné d'un cul de jatte avec lequel il s'entretenait assez familièrement. Il avait même aidé à gravir le perron de l'entrée. Une demi-heure plus tard, on avait cru entendre des coups de feu, et c'était tout. On n'avait pas vu sortir l'infirme. Le domestique, qui était absent à ce moment, était rentré une heure plus tard et avait découvert dans la salle à manger le cadavre déjà froid de son maître. Quant au cul de jatte, il avait disparu. Telle était la relation que faisait du crime un journal du matin. Je l'avais lu avec la plus vive curiosité. Je courus chez Lautrec, celui-ci venait de partir. Il était sur le lieu du crime. 2 heures après, je repassais chez lui. Le détective était rentré. Il était dans son cabinet de travail où je le trouvais plongé dans ses réflexions. Il avait disposé sur son bureau différents objets, morceaux de bois, clés, papiers divers. « Et le crime d'hier » questionnai-je. « Mystérieux, mystérieux, mon ami. Voici le drame en un mot. » Monsieur Frédéric Cazère habitait sa petite maison de la banlieue depuis plus de 10 ans. Il était rentier. Homme rangé, dit-on. Il voyageait un peu. Il était célibataire et n'avait pour le servir qu'un vieux domestique dont l'honnêteté est proverbiale. Il était charitable et recevait chez lui notre fameux cul de jatte. Il le faisait entrer, lui donnait à boire et à manger, s'entretenait même familièrement avec lui, déclare son domestique, et avant son départ, il lui donnait quelques pièces d'argent. On ne lui connaissait aucun ennemi. Vous avez lu le récit du crime dans les journaux, il est exact. J'ai étudié les lieux et j'ai pu reconstituer le meurtre. Le cul de jatte est entré, aidé par M. Cazère. Les deux hommes ont parlé ensemble 10 minutes environ. Grâce aux traces qu'ils ont laissées, j'ai pu lire l'histoire du crime comme dans un livre ouvert. Mais, premier fait étrange, le cul de jatte a quitté son chariot et s'est assis à table devant M. Cazère. Il a profité du moment où celui-ci débouchait une bouteille pour lui loger 2 balles de revolver dans la tête. La victime est tombée inanimée. Prenant son chariot sous le bras, l'assassin a profité de l'obscurité, la nuit tombée, pour se sauver par le jardin. Il a enjambé une haie et a pris la direction de Paris. Et c'est tout? Non, ce que j'ai constaté ensuite est tellement invraisemblable que je n'oserais y ajouter foi si je n'avais, devant les yeux, la preuve palpable de ce que j'avance. J'ai relevé, dans la chambre du crime, des empreintes digitales qui me permettent d'identifier, d'une façon incontestable, le meurtrier. Vous savez, en effet, qu'il n'y a pas dans l'humanité 2 pouces qui laissent la même empreinte. Je sais. Eh bien, mon ami, écoutez la révélation que je vais vous faire. J'avais, par précaution, pris moi-même les empreintes digitales du mystérieux mort de la morgue. Or, ces empreintes et celles que j'ai relevées dans la chambre du crime sont absolument identiques. Un subterfuge, une imitation. C'est matériellement impossible. Un artiste peut imiter une rose en la peignant, mais il ne pourrait créer une fleur. Aucun homme ne peut non plus laisser l'empreinte d'un pouce quelconque s'il ne possède pas ce pouce même. Je vous le dis, les empreintes digitales que j'ai relevées sont celles du noyé. et ceci complique encore le mystère. Si même un homme ressemblait, par le visage, à celui que nous appelons l'antidérapant, il ne pourrait avoir dans le pouce les mêmes lignes. Je vous le répète, c'est matériellement, c'est scientifiquement impossible. Alors ? Alors, je n'y comprends plus rien. Mais je trouverai par la force de la logique.